renverser Saddam Hussein. C'est une donnée obsessionnelle de la politique américaine, comme s'il fallait, à tout prix, réparer l'erreur commise en 1991, ce cessez-le-feu prématuré qui a permis au dictateur irakien de sauvegarder son pouvoir et sans doute sa vie. Et aujourd'hui, tout se présente comme si le fils, George Bush Jr., s'était promis d'effacer la faute du père, c'est-à-dire de finir le travail, comme on dit aux États-Unis. En fait, nous l'avons vu la semaine passée avec M. X, si George Bush Sr. a sciemment choisi d'épargner Saddam Hussein, c'est qu'il ne voulait pas que l'Irak, pays majoritairement chiite, ne devienne une république islamique à l'instar de son voisin, l'Iran. Et c'est sciemment qu'il a laissé le dirigeant irakien massacrer les chiites au sud et les kurdes au nord dès l'instauration du cessez-le-feu. Il n'empêche que depuis la fin de la guerre du Golfe, les États-Unis semblent acharnés à vouloir renverser le dictateur. Mais avant de mettre en place leur formidable déploiement militaire au Moyen-Orient, et la question est essentielle, les Américains se sont-ils vraiment donné les moyens de parvenir à leur fin? Bref, ont-ils réellement cherché à se débarrasser de Saddam Hussein ou n'en ont-ils que donné l'impression? La réponse dans un instant avec M. X. Dès la fin de la guerre du Golfe, Saddam Hussein a repris en main les rênes du pouvoir avec encore plus de férocité qu'avant. Il faut dire qu'il avait eu chaud. 15 des 18 provinces de l'Irak s'étaient pratiquement débarrassées de sa férule. Il devait donc sévir. Et nous l'avons vu dans notre précédent entretien, il a pu le faire grâce à la passivité des alliés. Ouais, même leur complicité, puisque la garde républicaine de Saddam Hussein a été autorisée à sortir de ses casernes. C'est juste, mais nous en avons parlé la semaine passée, inutile d'y revenir. La répression au sud. Chez les chiites, donc. Hein. Ouais. Cette répression a sans doute fait quelques 100 000 morts. Et au nord, les Kurdes, affolés, ont fui par millions. Et il a fallu que des troupes américaines interviennent pour dissuader l'armée irakienne de poursuivre ses exactions. Et il y a eu aussi la mise en place des zones d'exclusion aérienne. Des zones au sud et au nord qui ne peuvent être survolées que par les avions alliés. L'objectif étant de sécuriser ces zones. Le résultat, c'est qu'au nord, le Kurdistan irakien est pratiquement devenu indépendant et a même élu un parlement. Ce qui n'a d'ailleurs pas mis fin aux luttes de pouvoir entre les deux principaux chefs kurdes, Barzani et Talabani. Mais j'y reviendrai. Et au sud? C'était différent. Les chiites étaient beaucoup moins organisés que les Kurdes. Et puis, il faut bien dire que la répression orchestrée impitoyablement par Saddam Hussein avait physiquement éliminé tous les leaders, et en particulier les chefs religieux. Donc, telle était la situation en 1991 à l'issue de la guerre. Par opportunisme, Bush a donc sauvé Saddam Hussein. Mais il sait qu'il est l'objet de vives critiques tant dans l'administration que dans les milieux militaires. Par conséquent, il doit faire quelque chose. Et pourquoi? Pour chasser Saddam Hussein du pouvoir? Oui. Et dès le mois de juin 1991, il ordonne à la CIA de monter une opération dans ce sens. À cette époque, mais ça a duré assez longtemps, les services américains ne disposent d'aucun agent à l'intérieur du pays. C'est étonnant, non? Pourtant que ça. Les services secrets américains ont déjà privilégié le renseignement électronique au détriment du renseignement humain. Et nous l'avons vu, ça leur coûtera très cher. Oui, en septembre. Oui. Donc, en l'absence de tout relais sur place, la CIA imagine d'organiser l'opposition. Ce qui n'est pas évident. Car jusqu'alors, les opposants à Saddam Hussein ont toujours combattu en ordre dispersé. Alors, il faut donc d'abord les unir. Et ça n'est pas une mince affaire. Mais en 1992, il semble que la CIA ait réussi en permettant la création du CNI, le Congrès National Irakien. Un mouvement de libération qui regroupe les partis kurdes, des chefs religieux chiites et d'anciens partisans de Saddam Hussein passés à l'opposition. Exilés, j'imagine. Bien sûr. En Irak, on ne pouvait pas s'opposer ouvertement au dictateur irakien sous peine de finir assassiné. Inutile de vous dire que c'est la CIA qui avait entièrement pris en main et financé l'organisation de cette réunion tenue à Vienne. Y avait-il un leader? Oui, un certain Ahmed Chalabi, un banquier richissime. Un bon choix? Tout à voir. Si Chalabi était incontestablement un homme habile et un politique avisé, il cumulait aussi pas mal de points faibles. D'abord, parti d'Irak alors qu'il était encore enfant, il ne connaissait pratiquement pas son pays. Et réciproquement, c'était un inconnu pour ses compatriotes. Ensuite, il était chiite. Et il appartenait donc à la fraction la plus importante de la population irakienne. Sans doute, mais chacun savait que les sunnites ne permettraient jamais à un chiite d'accéder au pouvoir. C'était aussi un homme à la réputation douteuse. Propriétaire d'une banque jordanienne, il avait fait une faillite retentissante qui avait spolié des milliers de clients. Ça lui avait d'ailleurs valu d'être poursuivi en Jordanie pour détournement de fonds. Ça fait beaucoup, hein? En effet. Enfin, ses alliés le soupçonnaient aussi d'être une créature de la CIA. Ce qui était vrai. Naturellement. Et comment ces opposants, réunis au sein du CNI, c'est ça? Compte-t-il renverser Saddam? Bien, Salabi va aller s'installer dans la seule partie du territoire irakien qui échappe à l'autorité du dictateur. Au Kurdistan, c'est ça. Et il désirait y créer un embryon d'armée de libération en recrutant des déserteurs de l'armée irakienne. Enfin, disons-le franchement, ça ne débouchera sur rien de solide. D'autant qu'au Kurdistan, il existe déjà deux partis qui disposent, eux, de milices armées. Et à la CIA, on se rend compte assez rapidement que Chalabi n'est peut-être pas le bon cheval. Et à côté du CNI, les Américains vont pousser à la création d'un deuxième mouvement, l'ANI, c'est-à-dire l'accord national irakien. Avec un nouveau chef. Oui, celui-là s'appelle Liad Alaoui. C'est un ancien membre du parti au pouvoir, le parti Baas. Et ce qu'il entend faire, c'est susciter un putsch qui chasserait Saddam Hussein. Il faut donc s'assurer de la complicité d'un certain nombre d'officiers irakiens. Évidemment. Et concrètement, alors? Al-Alaoui, c'est certain, connaît beaucoup de monde dans l'élite dirigeante du pouvoir irakien. Tout un réseau clandestin se met donc en place. Il est financé à la fois par les Américains et certains États du Golfe avec la complicité de plusieurs services secrets. Lesquels? La CIA, je vous l'ai dit, oui, mais aussi les Britanniques et les Arabes. Les amis d'Alaoui parviendront à perpétrer un certain nombre d'attentats à Bagdad. Mais en 1996, peu de temps avant le déclenchement du putsch, les services secrets irakiens éventeront le coup et liquideront des dizaines d'officiers supérieurs appartenant à l'armée, à la fameuse garde républicaine ou aux organes de sécurité. Manifestement, l'ANI avait été infiltré par des agents de Saddam Hussein. Un fiasco, non? Oui, et un fiasco d'autant plus humiliant que parallèlement, il était prévu une assistance militaire américaine. Enfin, était-ce vrai? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Les Américains ont trop souvent fait preuve de duplicité avec Saddam Hussein. Expliquez-moi, parce que là, vous restez mystérieux. Non, laissez-moi un petit peu de temps. Ce fiasco n'était en tout cas pas le premier pour la CIA. Alors revenons un tout petit peu en arrière. C'était donc en 1991 que le président Bush avait autorisé la CIA à mettre en œuvre certains moyens destinés à chasser Saddam du pouvoir. Dès son élection, le nouveau président, Bill Clinton, semble être sur la même ligne. Au début de l'année 1995, une petite cellule de la CIA est implantée au Kurdistan. Avec quel objectif? Ça, il y en avait plusieurs. Mais le plus important, c'était de prendre contact avec un général irakien qui avait fait défection un an plus tôt et s'était réfugié au Kurdistan. Toujours dans l'idée de préparer un putsch contre Saddam Hussein? Non, pas forcément. La CIA comptait sur cet officier, qui avait été l'un des conseillers du dictateur, pour obtenir des informations sur les armes secrètes de l'Irak. Oui, toujours. Oui. Mais les agents de la centrale américaine apprirent au cours de leur rencontre avec ce général qu'un groupe d'officiers préparait un putsch. D'autres officiers, enfin, ou les mêmes que ceux qui seront liquidés en 1996? Non, d'autres. Le général demande froidement aux représentants de la CIA, les États-Unis veulent-ils vraiment renverser Saddam Hussein? Ça signifie au moins qu'il avait des doutes. Comment n'en aurait-il pas eu après ce qui s'était passé en 1991? Il n'y avait pas seulement ça. Ce général était bien placé pour savoir que les Américains, malgré l'embargo, laissaient complaisamment les dirigeants irakiens vendre du pétrole de contrebande en Jordanie ou en Turquie. Deux pays amis des États-Unis sur lesquels, enfin, ceux-ci auraient pu aisément faire pression pour interrompre ce trafic? Bien entendu. Or, ces ventes de pétrole bénéficiaient directement à Saddam Hussein et au passage aux Kurdes de Barzani, qui prélevaient leur dîme sur le pétrole destiné à la Turquie. Ce qui semblait indiquer qu'il existait une certaine complicité entre ce Barzani et Bagdad. Absolument. Et elle va bientôt se manifester de manière encore plus active. Enfin, passons. Donc, le général veut savoir quelle est exactement la politique de Washington et s'il sera soutenu en cas de tentative de putsch. J'imagine là ce que c'est. Ces types de la CIA ne peuvent pas lui répondre tout de suite. Non, il faut qu'ils en réfèrent à leur centrale qui, elle-même, prendra ses ordres à la Maison-Blanche. Mais les jours passent et les agents de la CIA ne reçoivent aucune réponse. Pourtant, pour appâter les Américains, ce général a livré un plan détaillé du putsch. Un plan, ma foi, assez bien ficelé, qui prévoit d'abord l'attaque par une colonne de chars du sanctuaire de Saddam Hussein, près de Tikrit. Il fallait être sûr qu'il s'y trouve. On dit qu'il n'arrête pas de changer de résidence. Bien sûr. Mais c'est là, près de son village natal, qu'il se réfugie à chaque fois qu'il court un danger. Donc, il était prévu une diversion à Bagdad pour l'obliger à gagner en toute hâte son repère. Simultanément, d'autres régiments devaient se soulever. Question. Les Kurdes devaient-ils prendre part à la rébellion? Les Kurdes, c'était un vrai problème pour les colporteurs. Ah bon, pourquoi? Parce que les deux principaux partis kurdes, l'UPK de Talabani et le PDK de Barzani, se livraient une lutte féroce. Une lutte armée? Et fratricide, qui avait fait des milliers de morts. Et il était à craindre que celui qui entretenait les meilleures relations avec Saddam Hussein... Barzani, sans doute. Oui, son complice dans la contrebande de pétrole. Donc, il était à craindre qu'il ne finisse par appeler Saddam pour vaincre son rival. Et si l'armée irakienne intervenait dans le Nord, c'en était fini de la tentative de putsch. Mais il y avait peut-être encore plus grave pour les candidats putschistes. c'est que Washington faisait toujours la sourde oreille. L'agent de la CIA chargé d'animer la petite équipe de la CIA au Kurdistan était Robert Baer. Après avoir quitté les services américains, il a publié un livre sur sa carrière d'agent secret. Et à propos du Kurdistan, voici ce qu'il dit. En 1995, 3 ans et demi après la défaite du dictateur irakien terrassé par une armée de 500 000 hommes, la CIA, dont c'était pourtant la mission, ne disposait pas en Irak d'une seule source capable de corroborer ou de réfuter les dires du général qui nous avait contactés. Pas une seule. Et non seulement la CIA n'avait aucune source humaine en Irak, mais dans les pays voisins, Jordanie, Iran, Turquie et Arabie Saoudite, aucun agent ne rapportait sur l'Irak. S'agissant de Bagdad, notre appareil de renseignement était aveugle et sourd. Il allait falloir vérifier la crédibilité du général et la véracité de ses informations par d'autres procédures beaucoup plus laborieuses. La solution idéale aurait été de rencontrer les officiers qui complotaient contre le régime et de les interroger directement, mais ce n'était pas possible. L'Irak était ce que la CIA appelait une zone verrouillée. Toute communication supposait le recours à des intermédiaires parce qu'aucun officier de l'agence ne pouvait pénétrer dans les régions contrôlées par Saddam Hussein. Et comme les militaires irakiens n'avaient pas le droit de quitter leur pays, ni même de voyager dans le nord, désormais sous administration kurde, la situation était sans issue. En outre, un officier de la CIA, capturé par les services irakiens, était automatiquement supprimé par immersion dans un bain d'acide, perspective qui avait de quoi dissuader les plus audacieux. Le livre de Baer, La chute de la CIA, a été publié chez Jean-Claude Lattès. Pourquoi ce silence de la CIA alors que, m'avez-vous dit, hein, le plan des putschistes semblait crédible? Oui, parce que je vous promets d'essayer d'y répondre. Mais voyons d'abord la suite de cette affaire. Les conjurés, malgré le lâchage des Américains, décident quand même de tenter le coup. Ils espèrent vraiment que les États-Unis les rejoindront en cours de route. Mais ils sont trahis par un des chefs kurdes, Barzani, qui a fait provisoirement arrêter le général et prévient sans doute Saddam Hussein du mauvais coup qui se prépare contre lui. Ah, mais comment pouvez-vous dire ça? Bon, écoutez, j'ai pas de preuves, mais j'observe que pendant que le général était neutralisé, l'armée irakienne s'est massée le long de la frontière avec le Kurdistan. D'autre part, les hommes du CNI de Chalabi ont été désarmés. Ça me semble clair, non? Et seul l'autre chef kurde, Talabani, passera à l'action. Mais malgré leur courage et quelques succès, ces combattants ne pouvaient pas vaincre l'armée irakienne. Mmh. Quelles seront les conséquences de cet échec? C'est encore un échec. Oui, mais comme on pouvait s'y attendre, Saddam Hussein s'est livré à une sévère purge, ponctuée d'exécutions sommaires dans l'armée. Le général, qui avait fait défection, lui a réussi à rejoindre la Syrie. Quant aux agents de la CIA, leur centrale leur a ordonné de retourner aux États-Unis le plus vite possible. Et le chef de cette petite équipe a fait l'objet d'une enquête du FBI, aussi étonnant que cela paraisse. Que pouvait-on lui reprocher? Dans certaines communications radio captées par les grandes oreilles américaines, il avait été question de l'assassinat de Saddam Hussein. Or, souvenez-vous, nous en avons déjà parlé, la CIA n'avait plus le droit de participer à des homicides de chefs d'État étrangers. Par conséquent, dès son retour, il a été soumis au détecteur de mensonges. Incroyable, ça. Et ça s'est terminé comment? Cette agence s'en est tirée, mais écœurée, il n'a pas tardé à quitter l'agence. On le comprend quand même. Toutefois, avec ce départ, la CIA perdait un agent de terrain expérimenté qui connaissait particulièrement bien les pays musulmans. Mais je vous l'ai dit, la mode était désormais au renseignement électronique. On en reviendra. Mmh. Est-ce qu'il y aura d'autres tentatives, enfin, plus ou moins initiées par la CIA, d'essayer de chasser Saddam Hussein? Des tentatives sérieuses? Ah oui. À ma connaissance, non. Mais il se présentera au moins une autre occasion où les États-Unis auraient pu intervenir. Et ça nous oblige à parler à nouveau des Kurdes. Après l'épisode de 1995, la lutte reprend de plus belle entre les deux factions. Barzani et Talabani, c'est-à-dire l'UPK, Union Patriotique de Kurdistan, contre le PDK, Parti Démocratique du Kurdistan. La lutte est d'autant plus âpre que le premier est pauvre. Ouais, parce que lui, il ne touche rien sur le trafic de pétrole. Tandis que l'autre, le parti de Barzani, vit très bien. Et ce qui devait arriver arrive. En 1996, peu de temps après l'échec du deuxième putsch, la confrontation devient tellement aiguë que Barzani fait appel à Saddam Hussein pour anéantir son adversaire. Le dictateur irakien se fait un plaisir de répondre positivement à cet appel à l'aide, parce qu'il va en profiter également pour se débarrasser des dissidents qui ont trouvé refuge au Kurdistan. Mais cette zone-là ne se trouvait-elle pas sous la protection des alliés de la guerre du Golfe? Les Américains et les Britanniques essentiellement. Parce que les Français, pour leur part, vont bientôt se retirer. Donc c'est exact. L'armée irakienne va intervenir dans la zone d'exclusion aérienne, mais elle va bien se garder d'utiliser son aviation. C'est une offensive donc uniquement terrestre. Oui, et une offensive de très grande envergure. Au mois d'août, 40 000 hommes de la garde républicaine et plus de 400 chars envahissent le Kurdistan. Les Irakiens détruisent sur leur passage toutes les installations mises en place par les Kurdes. Et ils massacrent à tout va, combattants, dissidents et civils. Et les Américains n'ont rien vu venir ? Apparemment, non. Leur désarroi est tel que la CIA doit organiser précipitamment la retraite de milliers de ses partisans qui sont transportés par voie aérienne jusque dans l'île de Guam. Mais si je me souviens bien, parce que c'est quand même pas si loin que ça, hein, Clinton va réagir. C'est exact, oui. Le président américain, qui est en pleine campagne électorale, va ordonner une série de frappes. Mais curieusement, pas là où ça aurait été utile, c'est-à-dire au Kurdistan situé au nord de l'Irak, mais au sud. Pourquoi ? Ça semble absurde. Je suis bien d'accord avec vous. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? D'une part, ça montre que les États-Unis se moquent bien du sort du Kurdistan, quoi qu'ils en disent. Par contre, le sud de l'Irak, c'est autre chose, parce que la plupart des champs pétroliers s'y trouvent. Mmh. Vous commencez à comprendre ? Pas tout à fait, non ? Ben si. Il s'agit de signifier clairement à Saddam Hussein qu'il lui est interdit de tenter une opération au sud semblable à celle qu'il vient d'engager au Kurdistan. Mais pas toucher à la ressource pétrolière. C'est le nœud de cette affaire. Mais je vous ai promis que je vous expliquerai plus précisément. Après cette série de frappes très violentes, très coûteuses aussi, Saddam Hussein retire ses troupes du Kurdistan. Mmh. Et Clinton, après cette épreuve de force, est réélu très confortablement. Oui, mais il ne peut pas rester inerte face à l'Irak. Et il va agir de plusieurs façons. Voyons d'abord celle qui est la plus visible. C'est-à-dire la moins secrète. Bon, comme vous voudrez. Bon. D'abord, les Américains qui ont longtemps méconnu ce qui se passait réellement sur le terrain se sont enfin rendus compte que rien ne serait possible en Irak si les deux factions kurdes continuaient à s'affronter par les armes. Par conséquent, ils vont faire tout ce qu'il faut pour obtenir la réconciliation des Kurdes. Ils vont réussir ? Oui. En 1998, ils arrivent enfin à faire signer un premier accord. Ensuite, l'administration de Bill Clinton entend officialiser son intention d'en finir avec Saddam Hussein. Le président américain est d'autant plus décidé que Saddam Hussein vient de renvoyer chez eux les inspecteurs de l'ONU. On verra pourquoi et dans quelles conditions. Mmh. Mais officialiser, ça veut dire quoi ? Sous l'impulsion des républicains, le Congrès américain vote l'Iraq Liberation Act. Une loi qui affirme que la politique américaine doit tout mettre en œuvre pour obtenir le départ de Saddam Hussein et promouvoir l'installation d'un gouvernement démocratique en Irak. Et dans la foulée, un diplomate américain, Franklin Sheldone, est chargé par le département d'État d'aider les Irakiens à se débarrasser du dictateur. Ah bah, au moins les choses sont claires. Oui, c'est de l'ingérence ouvertement reconnue. Comment ce diplomate va-t-il agir ou compte-t-il agir ? Il dispose d'un budget confortable, une centaine de millions de dollars. Et la loi lui permet de fournir à l'opposition irakienne des moyens de propagande, mais aussi des armes prélevées sur les stocks américains. Et même des instructeurs militaires. D'ailleurs, il est prévu que Richard Donne sera assisté par un état-major civil et militaire. Ouais, là, ça semble concret, sérieux. Apparemment, oui. Mais encore faut-il que cette opposition irakienne à laquelle on est prêt à donner tant de moyens soit décidée à s'unir et à agir. Alors notre diplomate se donne pour première tâche de réunir les représentants des principaux mouvements, ce qu'il fait au début de l'année 1999 à Londres. Il y a là des Kurdes, des chiites, des islamistes, mais aussi des monarchistes. Et les mouvements là dont vous m'avez déjà parlé là. Bien entendu, Chalabi est présent, mais depuis l'échec du putsch en 1995, il se contente surtout de faire du lobbying et ses relations avec la CIA se sont distendues. Quoi qu'il en soit, devant tous ces hommes, Richard Donne expose son idée. Il faut que ses opposants recrutent des combattants. Ceux-ci seront entraînés au Kurdistan, dans la zone protégée par les États-Unis, ou bien encore dans des pays voisins hostiles à Saddam Hussein. C'est donc la création d'une armée de libération. Et après ? Le diplomate a retenu deux scénarios. Le premier prévoit une attaque à partir du Koweït. Le deuxième, une série d'actions destinées à supprimer les 75 officiers supérieurs qui sont à la tête de la chaîne de commandement en Irak. Mmh. Ça me paraît déjà moins sérieux, si vous me permettez. Oui, je suis d'accord avec vous. Même au Pentagone, on trouve ça complètement irréaliste et on rigole. En fait, cette histoire ne sera suivie d'aucune application. Ce n'est qu'une gesticulation de plus destinée à l'opinion publique. Car à Washington, on dispose maintenant d'informations plus précises sur l'Irak. Et on sait très bien que les solutions proposées sont inapplicables. Gesticulation, a dit M. X en parlant de l'action entreprise par le diplomate Richard Donne. Pierre-Jean Luisard, chercheur au CNRS et auteur d'un livre paru chez Fayard, La question irakienne, le confirme quand il analyse la politique américaine à la lumière de la dernière campagne électorale pour la présidence. Je cite, « L'absence quasi totale de l'Irak dans la campagne présidentielle de 2000 aux États-Unis était due au fait que les campagnes électorales ignorent habituellement